Comprendre une annonce dans un lieu public. Exercice 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Léal, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne, ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.